Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Des passions. Explication. Nous considérerons les passions, d'abord en général, puis en particulier. Relativement aux passions, en général, il y a quatre points à voir, le sujet des passions, leurs différences, leur moralité, leur ordre respectif. À l'égard des passions particulières, on traitera des passions de la puissance concupiscible, qui sont au nombre de 6, et des passions de la puissance irascible, qui en composent 5. Passion du concupiscible, l'amour, sa nature, ses causes, ses effets, la haine, le désir et l'aversion, la joie, sa nature, ses causes, ses effets, sa moralité, la douleur, sa nature, ses causes, ses effets, ses remèdes, sa moralité. Passion de l'irascible, l'espérance et le désespoir, la crainte, sa nature, son objet, ses causes, ses effets, l'audace, la colère, sa nature, ses causes et ses remèdes, ses effets. Note. Nous avons emprunté à l'excellent ouvrage du docteur Belouino sur les passions, les notes qui, dans ce traité, seront mentionnées. Question 22. Du sujet des passions. Comment les passions sont dans l'âme, si elles sont surtout dans l'appétit sensitif? 1. Y a-t-il quelques passions dans l'âme? Les mots passivité et passion, dérivés de pâtir, peuvent être entendus en divers sens. Tout être qui reçoit quelque chose est passif, alors même que, sans rien perdre, il acquiert une perfection. Mais on entend proprement par passion la modification que subit celui qui est entraîné vers un agent, en perdant ce qui convient à sa nature. L'âme est passive quand elle sent ou comprend une chose, parce que, dans ce cas, il y a réception. Mais, aucune passion dans l'âme ne pouvant être accompagnée de déperdition que par rapport aux modifications du corps, il faut enseigner que les passions proprement dites ne conviennent à l'âme humaine que par accident. C'est-à-dire en tant que l'être composé d'une âme et d'un corps les éprouve, et l'on doit ajouter que la modification qui amène un état pliera beaucoup plus encore le caractère de la passion que celle d'où résulte un état plus heureux. La tristesse est appelée passion avec plus de vérité que la joie. Les passions, on le voit, conviennent à l'âme accidentellement, et à l'être composé, à l'homme, absolument parlant. Note. Les animistes veulent que l'âme soit le siège des passions, les matérialistes veulent que ce soit les organes. Gall et ses sectateurs disent que chacune d'elles habite une partie déterminée du cerveau, d'autres, parmi lesquelles Viret, prétendent qu'elles existent tout dans le grand sympathique. Chacun de ces systèmes a le tort d'être exclusif, et de poser ainsi à la vérité d'infranchissables limites. Pour être dans le vrai, il faut considérer la nature de l'homme et l'étudier tel qu'il est. Il n'est pas seulement un être organique, pas plus qu'il n'est un être intelligent pur. Il est composé d'une âme et d'un corps, qui ont l'un sur l'autre une influence très grande. Le moindre changement des organes retentit dans l'âme et la modifie. La pensée, en retour, ne peut exister sans que le corps n'en reçoive l'influence. Confère des passions dans leur rapport avec la religion, la philosophie, la physiologie et la médecine légale par Paul Belouino, voir pages 22 et 23 sur Books Google FR, fin de la note. 2. Les passions sont-elles dans la partie appétitive de l'âme plutôt que dans les puissances de perception? Les passions résidant dans l'appétit sensitif plutôt que dans l'appréhension sensitive, Par l'appétit, en effet, l'âme se met en rapport avec les objets extérieurs et se laisse modifier par eux en se conformant à leur nature, au lieu que, par ses perceptions, elle reçoit les objets sensibles seulement selon sa manière d'être. L'idée de passion se rencontre dans les actes de l'appétit purement sensitif plutôt que dans ceux de la partie cognitive de cet appétit, bien que les uns et les autres proviennent d'un organe corporel. 3. Les passions sont-elles dans l'appétit sensitif plutôt que dans l'appétit rationnel appelé volonté? Là, où existe principalement la modification sensible, là sont les passions. Or, la volonté, qui ne dépend pas essentiellement des organes du corps, n'en subit pas nécessairement les modifications. L'appétit sensitif est donc le sujet des passions plutôt que l'appétit rationnel appelé volonté. Note. Quand l'amour, la joie et d'autres passions semblables sont attribuées à Dieu ou aux anges, ces mots n'expriment que des actes simples de volonté, qui n'ont avec les passions qu'une certaine ressemblance à raison des effets. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.